Conte de fées en français. Les souliers rouges. Dans un petit village, vivait une jolie jeune fille nommée Karen. Elle vivait avec sa maman dans une petite hutte. Karen était une petite fille pauvre. Elle n'avait même pas de vraies chaussures. Elle portait toujours des sabots en bois que sa mère avait fabriqués pour elle. Les chaussures étaient dures et Karen avait mal aux pieds. Un jour, la mère de Karen tomba gravement malade. Karen passa tout son temps à prendre soin de sa maman. Une fois, alors qu'elle rentrait à la maison, Karen trouva une paire de souliers rouges dans une boîte. La boîte était sur le bas-côté de la route. Karen adora tout de suite les souliers rouges et décida de les ramener à la maison. Mais sa mère ne fut pas contente de voir ses souliers rouges. Karen, tu ne dois jamais rien ramasser sur la route. Ces choses pourraient appartenir à quelqu'un. C'est du vol. Quelqu'un est sûrement en train de chercher ses souliers rouges. Ils auraient dû y faire plus attention, maman. Celui qui les trouve peut les garder. Oh, Karen, ne sois pas si têtue, mon enfant. Je sais que nous sommes pauvres et que je ne peux pas t'acheter de nouvelles chaussures. Mais être pauvre ne doit pas nous faire faire de vilaines choses. Promets-moi que tu ne porteras jamais ces souliers rouges. Karen était triste, mais elle ne pouvait pas briser le cœur de sa mère ainsi. Alors elle fit la promesse de ne jamais porter ses souliers rouges. Le temps passa, mais Karen ne pouvait s'empêcher de penser aux souliers rouges. Maman ne comprend pas du tout. Si ces jolis souliers ont été jetés sur la route, c'est que personne n'en avait besoin. Une semaine plus tard, la mère de Karen mourut de sa maladie. Karen fut très, très triste. Mais elle fit quelque chose de très inhabituel. Aux funérailles de sa mère, Karen porta les souliers rouges. Tout le monde aux funérailles fixa les pieds de Karen. Mais Karen s'en moqua. Elle adorait ses souliers rouges. Juste à ce moment-là, une vieille dame passa devant les funérailles de son carrosse. C'était une gentille vieille dame. Quand elle apprit qu'une jeune fille était devenue orpheline, elle décida d'adopter Karen. Oh, ma pauvre enfant! Viens avec moi, je te donnerai une maison où vivre et de la bonne nourriture à manger. Tu étudieras et tu te feras un nom. Oh, mais que portes-tu aux pieds? Pourquoi les as-tu portés aux funérailles de ta mère? Elles sont horribles. Enlève-les tout de suite. Non, je les aime bien. Elles sont à moi. Oh, mon enfant, ne sois pas si têtu. Je vais te donner une bonne paire de chaussures à porter. La vieille dame força Karen à retirer les souliers rouges. Karen se sentit triste de se séparer de ses souliers rouges. La vieille dame n'avait pas d'enfant à elle. Elle traita Karen comme sa propre fille. Elle lui offrit une chambre et de nouvelles robes. Karen reçut aussi une nouvelle paire de souliers, mais ceux-ci étaient bleus. Karen regrettait ses souliers rouges. Elle pensait souvent à eux. Mais enfin, pourquoi personne ne me laisse porter mes jolis souliers rouges? Un jour, je les porterai et personne ne pourra m'en empêcher. Les années passèrent et Karen grandit. Elle était maintenant une jolie jeune fille. Mais en même temps qu'elle avait grandi, elle était devenue encore plus têtue. Karen était une enfant difficile. Je ne veux pas manger ça. Ce que je veux, c'est du riz. Mais je viens de préparer ce déjeuner délicieux. Goûte-le au moins, s'il te plaît. Non, je préférerais mourir de faim. La vieille dame aimait beaucoup Karen et ne voulait pas la voir mourir de faim. Alors elle cédait souvent à ses caprices. Du temps passa encore. Toutes les vieilles affaires de Karen ainsi que ses souliers bleus étaient maintenant trop petits pour elle. La vieille dame réalisa qu'elle devait lui acheter de nouveaux vêtements et de nouveaux souliers. Tandis qu'elles entraient dans un magasin, Karen aperçut une paire de souliers rouges bien brillants. Ah ! Ils sont exactement comme ceux que j'avais quand j'étais petite. Je les veux ! Oh, ça recommence avec les souliers rouges. Karen, achète plutôt ceux que tu pourras porter tout le temps. Et si on devait assister à des funérailles? Tu ne peux pas porter de chaussures rouges à des funérailles. Ce serait un manque de respect. Je n'ai que peu d'argent. Je ne peux pas t'acheter deux paires de souliers. Ou bien sûr, nous devrons rentrer à la maison à pied. J'ai mal aux pieds maintenant. Je ne peux pas marcher. Mais Karen était si contente de voir ses souliers rouges qu'elle n'écouta rien de tout cela. Je m'en moque. Je les adore et je les veux. Si tu ne me les achètes pas, alors je marcherai pieds nus pour le reste de ma vie. Ah, ne sois pas si têtue, ma chère enfant. Ça, tu devras le payer un jour. Mais Karen n'écouta pas. La vieille dame dut alors lui acheter les souliers rouges. Elle acheta aussi une paire de souliers noirs pour Karen. La vieille dame n'avait maintenant plus d'argent et elle dut rentrer à la maison à pied. Tout le long du chemin, la vieille dame croula sous la douleur. Mais Karen dansait. Elle virevoltait avec le vent en riant et en chantant, ne prêtant aucune attention à la vieille dame ni à ses pieds endoloris. Le lendemain, la vieille dame devait se rendre à des funérailles. Karen, nous devons nous rendre à des funérailles en ville. Viens avec moi, mais ne porte pas ces souliers rouges, d'accord? Ce serait un manque de respect. Karen alla dans sa chambre et regarda les souliers noirs, puis ses souliers rouges, et décida de les porter. Elle cacha bien ses pieds sous sa jupe, car elle ne voulait pas que la vieille dame puisse voir ses souliers rouges. Pendant toute la cérémonie, les gens n'arrêtaient pas de regarder les pieds de Karen. Il y avait de vilains ragots sur cette fille qui ne respectait pas les morts. Quelqu'un montra à la vieille dame ce qu'il se passait. La vieille dame devint furieuse. Elle attrapa Karen par la main et toutes deux quittèrent la cérémonie. Oh, quelle fille entêtée! Mais qu'as-tu encore fait? Je t'avais demandé de ne pas les porter ici. Pourquoi n'écoutes-tu donc jamais? Mais ces souliers sont à moi et je peux les porter où je veux, d'accord? Un vieux soldat qui passait par là regarda toute la scène. Tandis que la vieille dame et Karen marchaient vers le carrosse, il s'approcha de Karen, s'agenouilla et murmura à ses souliers. « Soyez aussi têtu que votre propriétaire, mais sachez aussi vous asseoir rapidement. » Le vieux soldat tapota les pieds de Karen. « Oh, monsieur, s'il vous plaît, levez-vous, que faites-vous ?»« Oh, j'admirais simplement vos jolis souliers rouges dansants. Vous êtes certainement une excellente danseuse. » Karen était ravie. Elle voulut montrer au soldat combien elle était en effet une excellente danseuse. Elle se mit alors à danser avant de monter dans le carrosse avec la vieille dame, mais... Oh! Oh! Pourquoi ne puis-je m'arrêter de danser? Pourquoi mes pieds ne s'arrêtent pas? Oh là là, qu'est-ce qu'il m'arrive? Oh, Karen, qu'est-ce que tu fais? Reviens ici! Mais Karen était déjà loin du carrosse. Les souliers rouges ne l'écoutaient plus du tout. Ils étaient bien têtus. Ils emmenèrent Karen vers la forêt, puis dans la montagne. Ils dansèrent encore et encore. Maintenant, Karen avait très mal aux pieds. Elle avait aussi mal au dos à force de danser. Elle ne pouvait ni manger ni dormir. Sa maison et son lit lui manquaient. Mais surtout, la vieille dame lui manquait. Mais les souliers ne s'arrêtaient toujours pas. Elle tourbillonnait encore et toujours, nuit et jour. Oh, que quelqu'un m'aide! Je suis épuisée! Personne ne pouvait venir jusqu'ici pour l'aider. Karen était effrayée à présent. Les souliers l'emmenèrent dans des buissons épineux et les pieds de Karen furent vilainement blessés. Finalement, Karen réussit en s'asseyant à retirer ses souliers. Les souliers n'étaient plus à ses pieds, mais pourtant ils continuaient de danser tout seuls. Karen avait les pieds cassés. Elle ne pouvait plus se tenir debout sans l'aide d'un bâton. Oh, mes jambes me font mal. Je veux rentrer à la maison. Karen arriva tant bien que mal à rentrer chez elle, tandis que les souliers rouges dansants la suivaient encore. La vieille dame fut très contente de revoir Karen. Elle lui donna à manger et la mit au lit. Le lendemain, Karen voulut sortir pour aller au marché. Mais quand elle ouvrit la porte, elle trouva les souliers rouges juste devant. Ils dansaient encore et empêchaient Karen de sortir de la maison. La vieille dame et Karen furent toutes les deux surprises de voir encore ici ses souliers dansant. Karen réalisa alors que tout ceci était de sa faute. Je n'aurais pas dû être aussi têtue toute ma vie. J'ai été aussi têtue que ces souliers rouges. Je ne peux plus quitter ma maison. Je ne peux pas aller ni à l'école ni au marché. Je ne peux aller nulle part. Je suis tellement désolée. Que dois-je faire maintenant? Oh, ma chérie, pourquoi donc ne pas faire une prière que ces souliers magiques disparaissent? Si tu es réellement désolée pour ton comportement, tes prières seront entendues. Karen se mit à prier, nuit et jour. Quand elle ouvrit les yeux, quelle ne fut pas sa surprise de voir le vieux soldat du village se tenir debout devant elle. « Mon enfant, je suis content que tu aies appris ta leçon. Comme tu as arrêté d'être têtu, que tes souliers en fassent autant. » En murmurant ces mots, le soldat disparut, et avec lui les souliers rouges. Karen et la vieille dame étaient à présent heureuses et en paix. Karen décida d'étudier sérieusement et de ne jamais laisser les souliers rouges revenir dans sa vie. Ne sois pas têtu, mon enfant, car tu devras le payer un jour.